Divers pays ont rapporté les 12 et 16 courants les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'agence de presse TASS, la télévision 24 de Russie et les agences de presse Chine Nouvelle et Gyodo du Japon ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a visité à 0h du 16 février le palais du soleil de Kumsusan et rendu l'hommage sublime au général Kim Jong-il et qu'il a été présent le 15 au rassemblement national consacré au 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. La radio russe Sputnik, le réseau information et la télévision centrale de Chine et l'agence de presse Zizi du Japon ont informé de sa visite au palais du soleil de Kumsusan à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Et le homepage d'Internet, les nouvelles des inspections du forum allemand anti-impérialiste a présenté son inspection des chantiers de construction de l'avenue de Myon.